Elle voulait un enfant, moi je voulais plus de frères. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de me faire grand frère. Florent, mon frère. Quand son ventre fut rond, s'énervant contre moi, elle me dit, tu verras, Anthony, ce sera une fille, et maintenant te voilà, Florent, mon frère. Et te voilà, et me voici, moi. Moi, j'ai 13 ans, toi, 6 mois. On est né à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des frères, j'en avais eu. Et c'était pas toujours le bonheur. Des fois c'était l'enfer, tous les midis une guerre. Florent, mon frère. Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras la chance d'avoir des parents sympas, super bien, sympathiques, archi cool, fantastiques. Florent, mon frère. Tu ne peux pas savoir comment je suis content. Je t'apprendrai tout dans quelques temps. Pourquoi y a des cons? Pourquoi y a des méchants? Tu comprendras quand tu seras grand. Et voilà, j'ai écrit ce que je penser de toi. Rassure-toi, tout ne vient que de moi. Bonne jeunesse, bonne enfance, et après, ben, bonne chance. Florent, mon frère.